C'est toi que je chante dans mes chansons, c'est toi pour qui je perds la raison, pour toi mon amour, rien que pour toi, c'est toi. Si bien les choses nous a fait nous rencontrer, il avait ses raisons, je suppose, qui font que l'on s'est aimé. C'est toi que je chante dans mes chansons, c'est toi pour qui je perds la raison. C'est toi que tu verras dans mes yeux. C'est